Chronique Drama, votre émission sur les dramas coréens, présentée par Miss D sur Fadjet. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Chronique Drama, votre émission sur les séries coréennes. Dans cet épisode, nous allons aborder trois dramas différents. Le premier propose un doux mélange d'humour et de drame. Le deuxième nous emmènera jusqu'à Cuba à travers un voyage rempli d'amour et de passion, tandis que le dernier nous donnera une bonne dose de couleurs et de sentiments. Mais comme d'habitude, je vais vous faire écouter une musique provenant d'un drama que nous aborderons dans un épisode prochain. Aujourd'hui, il s'agit donc du titre In Your Time de Lee Soyeon, provenant du drama It's Okay Not To Be Okay. Vous venez d'écouter In Your Time de Lee Seo-yeon. Le premier drama dont je vais vous parler est Prison Playbook. Je vous ai déjà fait écouter une des musiques de la série dans le tout premier épisode de l'émission. Aujourd'hui, je vais enfin vous parler de son contenu. Prison Playbook est un drama sorti de 2017 à 2018 et réalisé par Lee Woon-jung. Il est composé de 16 épisodes de 1h30. Ça peut paraître long, mais je vous assure, on rentre très vite dans l'histoire et on en redemande à la fin. Vous pouvez retrouver cette série directement sur Netflix. L'histoire se déroule dans une prison où l'on suit le quotidien des prisonniers et des gardiens qui les surveillent. L'histoire est tout de même centrée sur un détenu en particulier du nom de Kim Jae-hyuk, qui est un joueur de baseball ayant une certaine renommée. Il est en prison pour avoir tabassé l'homme qui a agressé sa sœur. Tout au long du drama, on suit également sa relation fraternelle avec l'officier de police Lee Jun-ho. Cependant, il n'y a pas que ce personnage qui est mis sur le devant de la scène, mais également ses différents co-détenus. Ces personnages sont tous très singuliers et possèdent des histoires toutes drastiquement différentes, ce qui rend la série d'autant plus intéressante. Le drama présente de manière détachée tout le pédigré de chacun de ces personnages pour que nous comprenions en tant que spectateurs pourquoi ils se retrouvent derrière les barreaux. On passe du junkie et du voleur au chef de gang meurtrier. Malgré leur provenance extrêmement différente, nous verrons tous ces personnages se lier d'une amitié très particulière et qui ne fera que réchauffer votre cœur. Ils ne seront plus seulement des co-détenus, mais des membres d'une même famille, malgré, ou plutôt grâce, aux conditions de vie dans un centre pénitentiaire. Tout de suite, nous allons écouter le titre « That's the way it goes » interprété par Davy avec deux i. C'était Davy avec That's the Way It Goes et vous écoutez toujours Chronique Drama, votre émission sur les dramas coréens. On parle actuellement du drama Prison Playbook. J'ai personnellement adoré ce drama par les personnages qu'il met en avant et par les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Ils sont tous très différents et leur histoire également, ce qui rend l'intrigue d'autant plus captivante. Au premier abord, le personnage principal de Jae-yok peut paraître vraiment très simplet, voire bête, mais il s'avère qu'il est bien plus que ce qu'il ne le montre. Il sait se révéler très intelligent et tactique lorsqu'il s'agit de prendre soin de ses proches et de ceux qu'il aime. De mon point de vue, le point fort de ce drama est ses personnages. Effectivement, chacun d'eux est très travaillé au point de les rendre tout aussi passionnants que le personnage et l'intrigue principale. Ils pourraient tout aussi bien avoir leur propre mini-série spin-off afin d'approfondir davantage leur histoire. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne sont tout de même pas négligés dans le drama, donc on en ressort tout à fait satisfait. Le point que j'ai beaucoup apprécié dans cette série est la présence d'un personnage homosexuel. Ce sujet est très peu abordé, voire quasiment jamais, et pourtant cela a été le cas dans ce drama qui date de 2017. On ressent tout de même la différence de présentation de ce personnage par rapport aux autres, puisque l'annonce de son couple est très timide et rien n'est montré au spectateur. Malgré ça, j'ai été agréablement surprise parce qu'à cette période-là en Corée, ce sujet était on ne peut plus négligé. On verra dans le dernier drama que je vais vous présenter aujourd'hui que ça commence à évoluer et ça fait extrêmement plaisir. Tout de suite, une petite pause musicale avec la musique la plus emblématique de Prison Playbook, c'est OK de BY. 네 기준에서 슬퍼하는 자가 너린 거잖아 숙아놓고 말이 자르죠 날 가두고 바라는 가능성은 지부치워 여전히 가르쳐 날개를 자르고 하늘을 나는 법 I don't know 많은 것을 가져도 다 가진 게 아니지 삶이 진짜 느껴질 때가 그리워져 버린 나 인생 Okay, okay, okay 괜찮다 말해줘 네 아 괜찮아도 거짓말이라도 Okay, okay, okay The way you lie Life is short, I'm waiting for Rising sun, I'm shouting too Almighty God, please don't ignore me Don't ignore me, don't ignore me gonna Joe 나를 모두 여기서 근데 너는 어디서 깨져버릴 것 같은 머릿속 언제까지 나를 버릴 거야 Okay, okay, okay 괜찮다 말해줘 내게 안 괜찮아도 거짓말이라도 Okay, okay, okay 괜찮단 말했죠 내게 I love the way you lie I love the way you lie Okay, okay, okay yeah. 괜찮단 말했죠 내게 아 괜찮아도 거짓말이라도 Okay, okay, okay 괜찮단 말했죠 내게 I love the way you lie I love the way you lie The way you lie Chronique Drama, votre émission sur les dramas coréens sur Fadjet. C'était l'artiste BY avec OK. Après vous avoir parlé du drama Prison Playbook, je vais vous parler de celui qui réchauffe les cœurs tant l'intrigue déborde de passion. Il s'agit du drama Encounter, sorti de 2018 à 2020 et réalisé par Park Shin-woo. Elle est disponible sur la plateforme de streaming Viki. Cette série est composée de 16 épisodes d'une heure et croyez-moi, ce n'était pas assez tant on espérait que l'histoire des deux personnages principaux ne s'arrête jamais. En voici l'intrigue. Réunis par le destin, une femme qui semble avoir tout et un jeune homme qui semble n'avoir rien décident d'abandonner une vie ordinaire pour être ensemble. Mais en réalité, leur histoire est un peu plus complexe que ça. Cha Soo-yeon est la fille d'un politicien qui vit une vie pathétique guidée par les autres. Elle a été mariée à un homme d'une famille riche contre sa volonté, seulement pour divorcer de son mari à cause de sa liaison. Son ancienne belle-mère ajoute comme condition à son divorce que Soo-yeon doit continuer à assister aux fonctions de cette famille, telles que les funérailles ou autres, lorsqu'elle est appelée. Un jour, lors d'un voyage d'affaires à Cuba, elle rencontre Kim Jin-hyuk, un gars à l'esprit libre. Ils passent du temps ensemble et tombent follement amoureux. Après leur retour en Corée du Sud, le personnage de Jin-hyuk rencontre à nouveau sa dulcinée, mais en tant qu'employé de l'hôtel Donghua, qu'elle a reçu comme pension alimentaire lors de son divorce. Ils sont encore attirés l'un par l'autre, ça, c'est indéniable. Mais seul leur destin décidera s'ils peuvent finir ensemble, car la pression sociétale et la politique va venir se mêler de leur idylle. Avant de vous parler de ce que j'ai pensé de ce drama, je vais vous faire écouter The Night d'Eric Nam, que l'on peut entendre à plusieurs reprises dans la série. I belong to you. Vous venez d'écouter The Night, interprété par Eric Nam, et vous êtes toujours sur l'émission Chronique Drama. Je vais essayer de vous expliquer à quel point j'ai aimé ce drama. Vous le savez sûrement peut-être, si vous avez écouté les épisodes antécédents à celui-ci, je suis fan de romance. Je peux vous dire que si c'est le cas pour vous aussi, alors vous ne pourrez qu'être ravis par ce que le drama propose. Cette histoire nous fait chavirer de A à Z, et le décor magique de Cuba ne fait qu'amplifier ce sentiment. Ce voyage à l'autre bout du monde va bouleverser les deux personnages principaux, mais croyez-moi, elle ne vous laissera pas indemne vous aussi. Leur relation est si belle et si facile dans ce pays, que leur retour en Corée du Sud ne sera pas sans cœur, déchiré et âme meurtrie. Durant leur voyage, ils pouvaient être qui ils voulaient sans se soucier du regard des autres, mais malheureusement, ça ne marche absolument pas comme ça en Corée, ce qui rend l'histoire d'autant plus prenante et remplie de suspense. Je ne l'ai pas dit lors des autres épisodes, mais le jeu d'acteur surtout ici mérite d'être souligné. L'acteur Park Bo-gum, qui joue le personnage de Jin-hyuk, est excellent dans son jeu. Dans chacun de ses dramas, il me fait systématiquement passer du rire aux larmes, et je pourrais recommander toutes les séries ou tous les films dans lesquels il a joué tellement son jeu m'émeut. Park Bo-gum vient de terminer son service militaire et j'attends avec impatience le prochain drama dans lequel il sera. Bon, je vais vous laisser tranquille avec cet homme, de toute façon, vous vous en ferez votre propre avis. Tout de suite, Take Me On, interprété par Salt Maper. Sunrise, it takes me away as I'm staring at the lights you hold. The feeling of a door, oh, take me on to you. I can't hide it anywhere. I follow to your dream. Is this what they have been calling love? And it just goes on. Oh, take me on to you. You're my flower and I'm your bee. You know you keep me alive. You're my reasons for everything I do, the other half of me. Oh, take me on down on river. I'll go wherever it leads to you. Oh, take me on into your eyes. I'll go wherever world you're on. The morning sunrise takes me away as I'm staring at without anyone. The feeling of a door, oh, take me on to you. When the light of yours shines down so beautiful, I laugh, I sing with you. Oh, it's like when stars fall around you. You take my heart away. Oh, take me on down on river. I'll go wherever it leads to you. Oh, take me on into your arms. I'll go wherever world you're on. Chronique Drama, votre émission sur les dramas coréens sur Fadjet. C'était Take Me On de Sandpaper. Maintenant que j'ai terminé de vous parler du drama Encounter, je vais vous présenter un drama intitulé Color Rush, sorti de 2021 à 2022 et réalisé par Park Seon-jae. Contrairement aux autres dramas dont je vous ai parlé jusqu'ici, celui-ci se compose de deux saisons, de 8 épisodes de 15 minutes chacune. Vous pouvez la retrouver sur le site de streaming Viki. Vous vous demandez sans doute pourquoi ce drama a des épisodes si courts, alors que la durée de d'habitude avoisine davantage 1 heure que 15 minutes. Eh bien c'est sans doute dû à son sujet. L'histoire se résume ainsi. Choi Yeon-woo est un jeune homme étant monochrome, c'est-à-dire qu'il ne voit le monde qu'en nuances de gris depuis sa naissance et n'a jamais pu voir les couleurs de ce monde. Toutes les personnes souffrant de ce syndrome sont appelées mono. Suite à un échange virulent dans son précédent établissement scolaire, Yeon-woo se voit transféré dans une nouvelle école. Il y rencontre Go Yuan, un jeune homme qui va lui ouvrir le monde des couleurs car chaque mono a son probe. À partir du moment où Yuan est dans la même pièce que Yeon-woo, ce dernier voit le monde en couleurs. Durant ce même laps de temps, la tante de Yeon-woo, Yu Yi-rang, cherche désespérément sa sœur, disparue depuis 4 ans déjà. Les trois personnages vont finir par enquêter ensemble sur cette affaire et ils vont découvrir aussi une autre histoire. Tout de suite, une petite pause musicale avec Finding You de Kwon Soon-hil. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vous venez d'écouter Finding You de Kwon Soon-hil et vous êtes toujours sur Chronique Drama, votre émission sur les dramas coréens. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de Color Rush ? Eh bien j'ai beaucoup aimé. L'intrigue est vraiment innovante et super intéressante à mon sens. Le réalisateur a fait un très bon travail parce que le drama est très beau et poétique. Le besoin du personnage de Yeon-woo d'avoir Yoo-han à ses côtés pour voir les couleurs est une très jolie métaphore pour représenter l'interdépendance qu'il peut y avoir entre deux individus. En plus de ça, une douce romance naît entre les deux jeunes hommes, ce qui a fait vibrer mon petit cœur de fan de romance. Petite remarque cependant, ce drama est une web-série donc il n'aura pas la même qualité cinématographique que les autres dramas, n'ayant pas autant de budget. Toutefois, cette série n'en est pas moins très sympathique et je la regarderai volontiers plusieurs fois, donc je ne peux que vous encourager à le faire également. Il faut soutenir les petites productions qui ont le courage de se lancer dans des intrigues et des sujets qui ne gagnent pas la majorité du public de leur pays d'origine. Pourtant, les représentations sont importantes, alors il faut les soutenir comme on le peut, notamment en devenant simplement spectateur. Nous allons écouter le titre Color Rush de Ryu Soo-jong. Oh, I will be fine. 걱정하지 않아도 돼. 날 보는 네 시선 몇 번이고 널 생각해. 너와 눈이 마주칠 땐 난 다시 태어나. 세상이 번진 듯해, yeah. Just like a picture. Take my hand, I'll let you go. 더 자유로울 수 있게. This time, this love. 너와 있던 이 순간을 기억해. I'm crushing you. D'écouter le titre Color Rush interprété par Ryu Soo-jong. Et voilà, l'épisode de Chronique Drama d'aujourd'hui est terminé. Nous avons parlé de Prison Playbook, Encounter et Color Rush. Le premier drama, Prison Playbook, est disponible, je vous le rappelle, sur Netflix, tandis que les deux derniers, Encounter et Color Rush, sont visionnables sur la plateforme de streaming Viki. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que le contenu que je vous proposerai tous les deux jeudis saura vous convenir. En attendant, je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye!